Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Al-Minhajiyatu Sahihatu fi Talabil Ilmi, la méthodologie correcte pour étudier la science. Un cours donné par le frère Munir Al-Maghribi Hafidhahullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith As-Salafiyyah bi Damaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah Subhanahu wa Ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد توقفنا أمس توقفنا في مسألة الحفظ وأهمية الحفظ في طلب العلم الحفظ la mémorisation et on a compris ولله الحمد أن طالب العلم الحريص على نفعه يعطي قسطا من وقته للحفظ حفظ كتاب الله أولا يحفظ ما استطاع وحفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحفظ ما يستطيع يبدأ بالأسهل فالأسهل وحفظ متنا في الفن الذي يشتغل فيه trois choses la mémorisation pour l'étudiant يبدأ l'essentiel وأنفع et la chose la plus importante que طالب il peut apprendre par cœur c'est le Coran كلام الله عز وجل بقدر ما يستطيع celui qui l'apprend par cœur هذه نعمة من نعم الله عز وجل Et celui qui apprend ce qu'il peut, il est à la khayr. Kadhalik, apprendre shay min as-sunnah. Kalam Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Al-wahid tani. Wahada kadhalik. As-sunnah, elle est vaste. Tu ne peux pas tout apprendre. Talib ul-ilm yakhtar al-aham wal-ashal wal-asah kadhalik. فمن أحسن ما يبدأ به الطالب الأربعين النووية 40 حديث avec la ziyada d'Ibn Rajab 50 حديث بإذن الله ستسيغفيغا توت تافي إن شاء الله لأنه سكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سكلام جامع من جوامع الكلم فستسيغفيغا توت تافي في الطلب في طلب العلم وفي غيره فالعناية العناية بهذه الأربعين كذلك سلافين الأربعين ينصح الطالب أن يحفظ عمدة الأحكام عمدة الأحكام سدي حديث في الفقه نافعة جدا كذلك la troisième chose on a dit أن الطالب il se concentre في حفظ متن chaque matière qu'il étudie il essaye d'apprendre un matn jami' dans cette matière matalan t'étudies le tawhid min al muhim si tu veux comprendre le tawhid comme il faut et tu veux avoir des adillah sur هذا الباب t'apprends kitab al tawhid li cheikh al islam mohammed ibn abd al wahhab al najdi alayhi rahmatullah si tu apprends هذه الرساله النافعه tu verras que même une mas'ala في التوحيد تو aura un dalil min kitab Allah ou min sunnat rasouli alayhi salatu salam. Comme a dit Cheikh Sadi Ams, maintenant si tu as pris kitab tawhid, mathalan fi tawhid, tout ce qui va venir après, tu vas يعني, bâtir sur ce matin que tu auras par cœur. C'est ça tariqat al-ilm, comme on a expliqué hier. Al-inaya, al-inaya. La personne s'efforce et le met fiha. Ahyanan nahnu sarahatan, on a des capacités, on a de la force dans certaines choses, mais ahyanan cette force elle part dans des choses futiles. Qil wa qal wa mizah wa des choses la tu'nina. Wa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi. Anta takun kaur. Si tu n'occupes pas par le khayr, il sera occupé par le mal. Ou le khayr fi talab al-ilm, c'est hada. Si tu te concentres fi hada, tu te concentres, jidd wa l'ijtihad, et bi'idnillah, tu verras les fruits. Fi dunya wa fi l'akhir. Qala al-allama, al-imam, al-sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il va expliquer l'importance du hifd, de la mémorisation. قال أي علم بلا حفظ يزول سريعا. On s'est arrêté هنا أمس أظن. On répète كلام شيخ ابن عثيمين. قال أي علم بلا حفظ يزول سريعا. Et ça c'est une catastrophe الحقيقة. علم يزول. الزوال c'est هذا العلم il disparaît. زوال الدنيا أي cette dunya elle va disparaître. Zawal al-ilm, ce ilm il disparaît. C'est quoi la cause? Il n'y a pas de hifd. Fa sari'an, sari'an tu trouveras anna hadha al-ilm. On s'en remet huna ahsan. On va gêner l'akh. Déplacez-vous huna. Hatta on ne gêne pas l'akh. Anna si je lève la voix, ça y est ta'ab. هنا يكفيهم علم بلا حفظ يزول سريعا. فسن فائدة pour toi يا طالب العلم أن acquérir du علم c'est une chose, le préserver c'est une autre. فانتبه de pas être ممن يتعلم ثم ينسى أو يتعلم ثم يعني يفرط في هذه الجهود أي لبلي. إما يبقى حفظ إما يبقى مراجعة. فإلى أبخن أي لبلي إلى أبخن أي لبلي هذا سيتعب إذا با أفنسي كوركتما. فأنت حرص كل الحرص كتغيب أبخن أكرر للسيانس وتلا بخزرب. ومن أهم ما تحفظ به هذا العلم الحفظ. قال الشيخ ابن عثيمين وكان زمانا وكان زمان يعيبون علينا يقولون لا تتعب نفسك في حفظ المتن او في حفظ المتون. اسمع الشيخ ابن عثيمين يتكسبليك ان اي نيبوك بعض الناس يكريتيك طلبة العلم الشيخ ابن عثيمين ومن معاه اللي كريتيك اريتي دابخون بار كور كذا اريتي دابخون بار كور كذا اي ايزون با دوني دو لا فالور على ميموريزاسيون. Hey, c'est bon, t'as compris ça, yakfi. Pas besoin d'apprendre toujours par cœur. Cheikh Ibn Uthaymeen yaqoul, il nous cite qu'est-ce qu'il disait بعض الناس. قال لا تتعب نفسك في حفظ المتن وعليك بالفهم الفهم. Il leur disait هكذا. Ça suffit la compréhension. يعني t'as pas besoin d'apprendre le matn par cœur. هذا c'est un خطأ كبير. طريقة السلف c'était الحفظ والفهم. Les salaf, ils écrivaient rarement. كثير كانوا يعتمدون على الحفظ. الحفظ, c'est dans ton cœur, bi idnillah, et tu vois les fruits directement. أما مجرد فهم صح شفي با في العلم. قال الشيخ ابن عثيمين بعد هذا قال ولكن وجدنا أننا ضائعون إذ لم يكن عندنا حفظ. L'expérience de Cheikh Ibn Uthaymeen il nous montre. قال ولكن وجدنا أننا ضائعون. الضياع معروف. الضياع معروف. Quelqu'un qui est ضائع, quelqu'un qui est en train de se perdre, qui est en train de s'égarer, والعياذ بالله. الشيخ ابن عثيمين يقول إننا ضائعون إذ لم يكن عندنا حفظ. أي ضائع في العلم. C'est pas une personne qui va réussir. Si il n'a pas de حفظ. الشيخ ابن عثيمين il a très bien compris هذا. قال وما انتفعنا والله إلا بما حفظنا من المتون. الشيخ ابن عثيمين il jure, il dit والله que le علم qu'il a acquis et le علم qu'il a profité et il a fait profiter aux autres, bad. فضل الله عز وجل سب الحفظ حفظ l'apprentissage par cœur du Coran. Allah lui a facilité d'apprendre le Coran. Il a appris min as-sunna, il a appris des mutun. Tu le trouves, il a profité, il a fait profiter les autres. Amma pas de hifz. La Coran, la matn, la hadith, tu vas te baser sur quoi ton ilm? Tu vas parler comment? Tu vas stader avec quoi? قال الشيخ ابن عثيمين ولولا أن نفعنا الله أو ولولا أن نفعنا بذلك لضاع علينا علم عظيم رحمة من الله عز وجل. الشيخ ابن عثيمين يقول si Allah il nous avait pas facilité l'apprentissage par cœur, la mémorisation, on aurait perdu, on aurait oublié beaucoup de علم. صحيح هذا. C'est un être humain. فpréserve هذا العلم بالحفظ. الحفظ في صدرك. الحفظ كذلك في الكتابة. Ça va venir, on va voir le fait de prendre les notes. Le fait de prendre les notes, c'est un nawa de hifz. Voilà où c'est pas dans ton cœur, c'est sur un support, sur un livre, sur un cahier. Taktub. Hada, c'est min al-muhim. Min al-muhim. Léana, même si t'as oublié, si t'as noté, comme on va voir, tu sauras où revenir. J'ai oublié cette masala, lakin je sais qu'elle est notée dans ce livre. Tu retournes au livre et tu trouveras ce que tu as besoin. Al-hifz, al-hifz. Hada, c'est un bab muhim. Lakin ta'alamoun, en al-hifz, il y a besoin de temps. Assister à un dars, c'est très simple. Kama ta'alamoun. Assister à un dars, tu viens, tu t'assois, tu écoutes, tu pars. C'est pas ça l'ilm. Ça, c'est une partie du ilm. Amma l'ilm, le dars que tu fais, si un matin apprend, tu dois l'apprendre. S'il n'y a pas de matin, tu continues à apprendre le Coran. Et tu mets tes forces dans le Coran. C'est ça l'ilm. Et tu verras que ce hifd, il te demande du temps. Hifd, c'est pas tu viens 5 minutes, t'écoutes, tu. Là, hifd, t'as besoin d'apprendre. Awwalan. Thomas, t'as besoin de réviser. Thaniyan. Dès que t'as fini le matin, da'iman, il est révisé. Hatta, tu l'oublies pas. Et tu verras à la fin les fruits. Tu vois de tes yeux la différence entre un talib. Un étudiant qui donne l'importance au hifz et un autre qui donne pas l'importance. Tu le vois avec tes yeux. Prends l'exemple, n'importe quel mas'ala. On ferme les cahiers. C'est quoi le dalil de kada? C'est le hifz qui va parler. Tous les doros qu'on a fait, on peut poser des questions. Ma dalil ala mas'ala kada. Si t'as du hifz, tu pourras. Si t'as pas de hifz, tu sauras à peu près c'est quoi, lakin tu pourras pas parler. Et hada, c'est afatun azima ala talib. العناية بالحفظ وسموتيف دائما كونساي حفظ با توسل حفظ با توسل لأن الحفظ في شيء من المشقة في شيء من المشقة الحفظ certain moment c'est dur. Si t'es à deux, خاصة avec un jalis صالح un طالب علم يعني مجتهد, tu verras que dès que t'as une faiblesse il t'aide. Dès que lui il a une faiblesse, toi tu l'aides. Il a pris une page, tu apprends une page. Tu le fais écouter, il te fait écouter. Hakada. Ta'awunu 'ala al-birri wa at-taqwa. Hada min at-ta'awun an-nafi'. Hifz pas tout seul. Lana al-hifz tout seul, un jour tu vas hifz, un deuxième jour tu vas pas hifz. Un troisième jour tu vas être fatigué, un quatrième jour tu vas être feignant et tu n'avanceras pas comme il faut. Amma, tu as une personne avec toi, vous mettez une heure et tous les jours, j'apprends et je te récite ce que j'ai appris. T'apprends, tu récites ce que tu m'as appris, mais ibnallah, tu avanceras. من المهم كذلك لطالب العلم parmi la méthodologie كذلك المراجعة وكذلك من أهم ما يكون المراجعة أي لا ريفيزيون لأن طالب العلم طالب العلم لأن طالب العلم plus il avance plus il va acquérir du ilm que ça soit dans le hifz ou dans les durus. Et anta, le fait d'avancer, c'est tayyib. Lakin, comme on l'a dit, il faut préserver ce que tu as acquis. Ba'dhum yumathil. C'est comme si tu avais un sac de provisions. Tu le remplis. Si le sac il est troué, tu vas le remplir. Quelques mètres plus tard, il se vide. Hakad al-ilm. Anta, ce sac. Ces provisions, tu remplis ton sac et tu fais tout pour préserver. Amma ali ou la faïda, on remplit et c'est troué. 10 mètres plus tard, tu perds. Et on le voit fil ilm hada. On le voit fil ilm. Ahyanan, on fait des doros, on apprend des choses, on avance, 6 mois il a akhiré. T'avais appris ça, c'est où? J'ai oublié. Hada, c'est tab. Tu dois préserver un tahala. Et la meilleure façon de préserver, c'est le muraja'a. Tu as appris, matalan al-arba'in nawawiyya, tu donnes un temps pour réviser. C'est pas tu as appris, khalas. Tu le délaisses. Khasatan, si l'apprentissage, il n'était pas qawi, le hib. Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, tu trouves, c'est oublié. Al-muraja'a. Da'iman anta, tu donnes un temps à ilm que tu as acquis. Da'iman. Tu as étudié kitab tawhid, tu le révises. Tu lis avec un frère, tu lis les shuru'. T'as étudié al-wasitiyya, tu révises. T'as appris le Coran par cœur, tu révises. Amma tu laisses hakada, fa la shak, t'auras des surprises. Al-ilm, mitl al-shajara. Wal-muraja'a, ma'uha. Al-ilm, c'est comme un arbre. Et cet arbre, il a besoin d'eau. Cette eau, c'est le muraja'a. Les fruits de l'arbre, c'est l'amal. Talabul ilm, c'est un tout. C'est pas les doros faqat. C'est pas le hifd faqat. C'est pas j'ai des connaissances faqat, là. Amal, la personne y révise. La personne yad'u Allah Azza wa Jal et il trouvera beaucoup de khayr. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها المذاكرة أي المراجعة. Ça c'est من الأمور التي ينبغي العناية بها. كذلك la révision, fais-la pas tout seul. Un jour tu vas réviser, un jour tu vas réviser 5 minutes, un jour tu vas pas la faire. لا طالب العلم faites-le à deux. لكن cette personne هذا, ce Zamil, ce Sadiq que tu vas voir, ou ce Sadiq plutôt, que tu vas voir, l'abud qu'il a de sifat, yani Mahmoud, que ce soit un rajoun salih, que ce soit une personne mujtahid, il ne fait pas partie de l'kusala, il ne fait pas partie de Ahl al-Fitan, ou de Ahl al-Qil ou al-Qal, l'ana c'est tatab. Nous, dès qu'on dit à deux, c'est pas n'importe qui. Là, c'est Takhtar Wahed. Tu sens que bi'innillah, avec lui, tu vas avancer. Il va t'aider, tu vas l'aider. Amma Wahed, c'est un atil. C'est un kaslan. Il fait partie de Ashab al-Fitan. Il te fera que du mal. Un jour, il va pas venir. Un jour, il va venir. Il va, mumkin, si c'est pas un salaire, il va mumkin te mal parler. Un jour de fitan, Fulan il m'a dit, Fulan il m'a pas dit. Et l'akhiri, tu auras du mal à avancer avec lui. Ben, tout seul, tu avanceras mieux. Fa anta hada al-jalis, takhtar al-jalis al-salih. Kaba qala alayhi sallallahu alayhi sallam, mathal al-jalis al-salih. Wa al-jalis al-su, ka hamil al-misq, wa nafiq al-kir. Nabi sallallahu alayhi sallam, il nous a donné cet exemple. C'est pas, là t'as donné, tout le monde est à la khir, tout le monde, c'est des personnes salih, tout le monde kada, là. Sunnat Allah fi khalqi, il y a des personnes qui sont bien, il y a des personnes qui sont moins bien. Fa anta takhtar mathal al-jalis salih wa jalis al-su' ka mathal hamil al-misk wa nafiq al-kir. Al-salih, c'est comme une personne qui vend le marchand du musc de parfum. Hada, tu profites. Voilà où tu n'achètes pas, voilà où tu t'assois à côté de lui, tu vas sentir une bonne odeur. Ça, c'est un mythal azim. Ou al-jalis al-su', il te fera du mal. Imma, il va te brûler, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple avec le forgeron. Imma, il va te brûler, imma des mauvaises odeurs, imma du bruit. Tatab. Hakada jalisi su. C'est mohim pour le muraja'ah. Muraja'ah, fais-la à deux. Fais-la à deux. Et fais-la, yani, comme il faut. Comme il faut. Muraja'ah, tu ne refais pas le dars. Tu révises le dars. Tu révises. Tu lis ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris. Le frère, peut-être qu'il a compris, il t'explique. Si vous n'avez pas compris les deux, vous notez. Vous demandez le lendemain au mudarris. Akada t'avance. Et tous les jours. On voit Kathir Minal Ikhwa, on commence toujours des muraja'a, un jour, une semaine, sans les où, et j'ai arrêté. Et là, il y a un bari. Si la personne il a du mal, il a akhiré, al muraja'a, c'est une ni'ma, profite-en. Minal Mohim Kadalik. لطالب العلم من المهم تقييد الفوائد ça ça fait partie de la méthodologie. Un درس tu viens pas assister هكذا لا un درس c'est du علم. المدرس il parle. المدرس مثلا il a fait des recherches, il t'explique. فأنت tu dois profiter et tu peux pas tout retenir par cœur. أبدا. فطالب العلم il prend des notes. Et les notes, كذلك, il y a une façon. Tu n'écris pas tout. Anta Matalan, il explique un mot que tu ne connaissais pas. On arrive Matalan, on lit un livre. Un mot, tu ne connais pas. Le Moudaris, il explique. Il dit ce mot, la définition, c'est kada kada. Note, c'est akhi. Kam, min ikhwa. On a vu dans les deux roses précédents, tu lui poses une question, je ne sais pas. C'est normal, tu n'as pas noté. Pendant Dars, cette chose, elle a été citée. Tu l'aurais notée. Thomas, tu fais la muraja'a, tu révises. T'arrives le lendemain, t'es prêt. Ça veut dire quoi, kada ya akhi? Ça veut dire kada wa kada. Fal'inaya bi taqyid al-fawa'id. Ça, c'est mohim jiddan. C'est ce qui va te rester, min ilmik. Anta, maintenant, les années que tu te lèves l'ilm, ce qui va te rester, c'est ce que t'as hafad. Et c'est ce que t'as noté. C'est ça qui va te rester. Amma, les doros qu'on fait, beaucoup de doros qu'on fait, les doros avec Cheikh, il a akhiré. Al-Kalam, il est kadir, tu ne peux pas tout retenir. Tu ne peux pas. Illa ce que tu as fait, est-ce que tu as noté. Enfin, c'est ça, c'est mohim. Kam as-salaf ou al-ulama, umouman kam, ils ont staffé de leurs notes. Kam. Tu trouves les notes de certains alams, ça devient des livres. Kam min al-ulama, ils ont pris des notes quand c'était des tulab ilm avec leur shir, et plus tard, ils ont sorti ce cahier en forme de livre. Est-ce qu'il a profité de son shir? Il te le sort un tas en livre. C'est ça l'ilm. C'est ça l'ilm. Après, on vient, on assiste, pas de notes. Pas de hirb. Pas de motivation. Tu ne vas pas aller loin. قال شيخ العثيمين رحمه الله اقتناص الفوائد والضوابط العلمية وهذا أيضا من أهم ما يكون من أهم ما يكون. C'est une des choses les plus importantes pour le talib. Il prend des notes. مدرس il a dit كذا. مدرس il a dit كذا. Et il prend par point. Il note pas tout. مثلا نحن الآن le كلام le درس qu'on fait. Pourquoi il note les points? مثلا il faut avoir une bonne niya. Il écrit premier point, il faut avoir une bonne niya. Si le mudarris cite un dalil, il le cite. Le kalam d'alim, s'il peut le noter, il le note. Wa deuxième point, la régularité, l'istimrar. Il note petit 2 à l'istimrar. Tu le trouves à la fin, il a le résumé de la muhadar. C'est ça l'ilm. Le mudarris, toutes les recherches qu'il a fait, peut-être qu'il a tapé des jours à rechercher les kalam des savants, kada. Anta t'as un résumé en une page. Ni'ma min ni'amillah. Si tu as bien compris le dars, tu as bien écouté, avec tes notes, tu peux refaire le dars. Voilà où c'est plus résumé. Ni'ma. Tu rentres chez toi, tu le fais à ta famille, à tes enfants, tu le fais à un frère. Ni'ma min ni'amillah. C'est ça l'ilm. Et on a dit, salaf, il donnait une importance azim au hifd, l'apprentissage par cœur, la mémorisation et la prise de notes. Il donnait une importance azim. Qala Abu Zinad, Abdullah ibn Dakwan, rahimahullah, qala, kunna naktubu al-halal wal-haram. Kunna naktubu al-halal wal-haram. ولكن ابن شهاب الإمام أبو بكر الزهري رحمه الله قال كان يكتب كلما سمع فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. أبو الزناد معروف souvent dans les isnad al-Bukhari Muslim on entend عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. Le isnad est connu من الإمام مالك jusqu'à أبو هريرة. أبو الزناد كثيرا il est dans cette chaîne de transmission. C'est un imam, un imam de sunnah, Abdullah ibn Dakwan. Il nous rapporte qu'il notait les fawaïd dans le halal ou le haram. Ça c'est halal, ça c'est haram. Le dalil c'est kada. Il donnait de l'importance, lakin fil halal ou le haram. Il notait les choses dans une matière spécifique, le halal ou le haram. Ibn Shihab, rahimahullah, là, il notait les fawaïd dans tous les ulum. Aqida, hadith, ila akhre. Abdullah ibn Dakwan, Abu Zinat, il dit annahum, quand ils ont eu besoin des notes d'Ibn Shihab, il a noté ce qu'ils n'ont pas noté, ils ont vite compris qu'Ibn Shihab c'était le plus savant d'entre eux. Et sahih, l'imam Zuhri, c'est Dhurwa fi zaman, min a'immat al-tabi'i. C'est quoi qui a fait la différence? C'est les notes. Hada, il assistait au cours, hada, il assistait. Matalan, Ibn Shihab, il assistait, Abu Zinad, il assistait. C'est quoi qui a fait que Ibn Shihab, ils ont eu besoin plus de lui? Et il a atteint un niveau plus élevé? C'est les notes. Les notes, tu ne peux pas tout retenir. Haoula, c'est salaf. Ibn Shihab, c'est un hafiz. Il hafiz de milliers de hadiths. Avec ça, il a eu besoin de prendre des notes. Ma balouk nahnu. Ma balouk nahnu. Antal an, tous les athars, les kalam d'ulama qu'on cite, tu comprends pourquoi ils ont atteint ce niveau. C'est pas hakada. Qala Isa sallam, innama al-ilm bit-ta'allum. Ils ont fait des efforts, ils ont fait des sacrifices, ils avaient la bonne méthodologie, tout ça avec une bonne niya, ils ont atteint les hauts degrés. Ils ont atteint les hauts degrés. Hada. Tout ça, ça te montre l'importance d'apprendre le khat, l'importance d'apprendre l'imla, l'importance de savoir prendre des notes. Enfin, parmi les premiers doros que le talib ilm il doit prendre, c'est al-kitab. Il doit savoir comment écrire. Parmi les premiers doros, fais des doros de khat. Apprends à écrire, corrige ton khat. Là, il y a des khat. Avec des frères, tu lis leurs notes, tu as du mal à les relire. Il y en a, leur khat, il n'est pas clair. L'écriture, elle n'est pas claire. Un t'apprend, donne du temps. Donne du temps à la khasadan au début. Un sad, c'est un sad. Un qaf, c'est un qaf. Tu lis des lettres, rien, t'as du mal. Hatta la personne lui-même, il a du mal à se relire. Kadalik, les fautes d'orthographe, n'tabé. N'tabé, c'est un aïb, hada fi talib al-ilm. Au début, c'est pas grave. Lakin, avec les années, et tu continues à faire des fautes, hada, ça te fera du mal. Ça te fera du mal, dit-elle. Enfin, donne l'importance à hada. Donne l'importance, khat. Et l'imla. Et tu t'habitues à écrire en arabe. Tu t'habitues, mais idnillah, avec le temps, avec les années, tu auras un khat, idnillah, wadih. Tu arriveras à prendre des notes assez rapidement, et idnillah, tu seras à la khayna, sallallah, tawfiq. Le dernier point. Et il est mohim. Il résume beaucoup de ce qu'on a dit. C'est tanzim al-waqt. Organiser son temps. C'est ça le manhajiyya, en haqiqa. C'est ça le manhajiyya. La méthodologie correcte, c'est t'organises ton temps. T'organises ton temps dans le hifd, la mémorisation, dans les doros. T'organises ton temps même dans les choses de dunya. La sieste. Tu dors à telle heure, tu manges à telle heure, tu laves tes habits à telle heure. Plus le talib al-ilm, il est organisé, plus il profitera de son temps. Le temps, ya jama'a, c'est une ni'ma. Comme a dit le Nabi alayhi salatu salam, hadith ibn Abbas, hadith il est fils sahih, ni'matan marbounun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal-farah. Deux ni'ma. Beaucoup de personnes ne donnent pas d'importance. Deux ni'mah. Et beaucoup de personnes, ils sont marboun. Al-Taghabun, surat al-Taghabun, c'est la perte. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes via là. Ils ne reconnaissent pas cette ni'mah. Al-Sihha ou al-Farah. Al-Sihha, c'est la bonne santé. Al-Farah, c'est le temps libre. Ça te montre que le temps, c'est une ni'mah. Cette ni'ma, tu dois être reconnaissant envers Allah et tu dois la préserver. Khasatan talibul ilm. Comme on l'a dit, ams intabih, intabih wa iyak wa iyak at taswif. Je ferai, je ferai. Iyak, c'est min madakhil iblis. Maintenant, tu les conseilles, ton temps qu'il y a, je verrai la semaine prochaine ou dans un mois ou intabih. Tu sais pas. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت ما تدري tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir, tu sais pas demain qu'est-ce que tu vas faire. Ibn Umar رضي الله عنه, comme on avait expliqué في الأربعين النووية, أنه يقول إذا كنت في الصباح لا تنتظر المساء وإذا كنت المساء لا تنتظر الصباح, خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هكذا إذا الصحابة. بعض الناس tu parles avec lui, il a des ambitions, c'est bien d'avoir des ambitions comme on va voir, c'est bien d'être motivé, lakin repousse pas les choses que tu dois faire aujourd'hui dans un mois, dans un an, ma tadri. Organise ton temps, organise ton temps, c'est muhim. On voit بعض الطلبة chaque jour il n'a pas d'organisation, il se lève au fajr, thumma il sait pas trop où qu'il va. Là tu perdras du temps. Fajr, il ne sait pas ce qu'il fait. Après Shuruk, il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Hakada, jusqu'au Dohr, tu as perdu une matinée. Talib Ibn, il est organisé. Au Fajr, tu sais ce que tu vas faire. Tu sais que tu dois apprendre ça. Tu dois réviser ça. Après, tu as un cours. Après, tu dois le réviser. Après, tu dois manger. Après, tu dois te reposer. Après, après. Khasatan Viyad al-Makan. Trois doros de shir. Le programme, là, il est intense. Si tu n'es pas organisé, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas, Abedan. Tu es un être humain. Organise ton temps. Organise ton temps. Tu fais un programme. Les kuffars, comment tu as le monde ? Tu as déjà vu, tu es à l'école, tu arrives le matin, tu ne sais pas ce que tu fais. Tu arrives à Hakada, tu rentres à l'école et tu ne sais pas. Est-ce qu'on va faire des maths ? Est-ce qu'on va faire de l'histoire ? Est-ce qu'on va faire du français ? Tu ne sais pas. Même le prof, il ne sait pas. Tout le monde se regarde. Tu as déjà vu Hakada ? Abedan, tu arrives, tu as une matière. De 8h à 9h, tu as Kada. De 9h à 10h, tu as Kada. Thomas, tu as une pause. Thomas, Kada. Thomas, tu manges. Hakada, ils sont organisés. Ils savent que sans organisation, tu vas aller où ? Tu dois avoir un programme. Tu arrives au Fajr, tu dois réciter sur ce frère. Après, tu as un cours avec lui. Après, tu dois réviser. C'est ça, talab al-ilm. Lakin al-asaf, comme on a fait de programme avec les frères, comme Wallah, pas un, pas deux. Tu vois une semaine, Thumma, khalas. Le programme, il est fiwad, et lui, il est fiwad akhar. Et il se fait du mal. On vous a déjà dit, talab al-ilm, il doit être toujours au même endroit, au même moment. Daiman. 11h, matalan, c'est dars. T'es au dars. T'as pas à être madri'ain. Abedan. Le matin, matalan, tu dois apprendre le Coran. Le matin, tu apprends le Coran. Tu dors pas ou là. T'es pas là. Ton programme, c'est ça. Il a une excuse, une raison valable. La personne, il est malade. La personne, il est cadavre. Enfin, c'est ça, Mohim, ya jama'a. Wallahi, si tu prends pas soin de ce temps, tu verras. Un an, deux ans, trois ans, quatre ans, ça passe très vite. Et à la fin, tu regardes. Qu'est-ce que t'as pris ? Il n'y a pas grand-chose. Une petite mas'ala. Peut-être que tu ne pourras pas la maîtriser. Et tu ne pourras pas citer le délit. Fatandim al-waq. Ça, on le répète souvent, nous, mais on voit un laps kabir. Kabir. Donc, quelle histoire, ya akhi ? Après le dhuhr, tu fais kada. Après l'asr, quitte à le noter. Quitte à le noter au départ. Et tu respectes. Tu respectes ce programme et tu verras les fruits. Un an organisé, wallah. Wallah. Que ça vaut peut-être 10 ans que pas organisé. Un an de talab al-ilm organisé, peut-être que ça vaudra 10 ans que pas organisé. Mais là, celui qui peut organiser un an, la deuxième année, il doit refaire la première. La troisième année, il refait la deuxième. Ouais, tu le trouves 10 ans, ça équivaut à un an. Si, il s'en sort bien. Wallah, 10 ans, ça peut être. Wallah, shay. Wallah, wallah, shay. Ben, 10 ans, et t'as reculé. Reculé, il y en a, t'as pas pris l'ilm comme il fallait. Enfin, l'organisation, c'est muhim. Dites. Dars après dars. Chaque chose à son heure. Tu mélanges pas tout. Tu ne fais pas à la nafsik. 24 heures, crois pas que ça va être 24 heures dans l'ilm. T'es un être humain. Tu dois dormir, tu dois manger, tu dois. Même ça, tu htasab. Les 24 heures, si Allah est toi fort, ça peut être 24 heures de ibad. Lakin, ça ne peut pas être 24 heures toujours dans l'ilm, dans les livres, dans les doros, dans l'apprentissage. Là, t'es un être humain. Lakin, ça peut être 24 heures dans l'ibad, celui qu'Allah est. Il dort, il met la niya, qu'il se repose. Pour que le lendemain, il fait plus d'efforts. Les heures, les 5 heures, 6 heures qu'il dort, bi'idnillah, il est récompensé. Il mange parce que c'est un talib ilm. Il mange et sa niya, c'est qu'il prenne des forces pour pouvoir continuer à tsnab al-ilm et adorer Allah. Il est récompensé. Il fait le hirasa, il a une niya. C'est pour préserver cette ta'wa, c'est pour préserver ce ilm, c'est pour se rapprocher d'Allah, c'est pour combattre a'da illah. Il est récompensé. Chaque chose qu'il fait. Chaque chose qu'il fait. Et ces niyat qu'il a, bi'idnillah, c'est une cause de khayr. Tu verras qu'il avance. Jiddan. Kadhalik mina. L'organisation, mais la tanzim, c'est que la personne il vient à l'heure. Ça fait partie de l'organisation. T'as un dars à 11h, c'est 11h. C'est pas 11h15, c'est pas 11h30. Là, 11h, c'est 11h. T'as une muraja'a avec un frère après l'Isha, c'est après l'Isha. C'est pas à minuit. Hada, c'est mohim. Ne te fais pas de mal, ayyuha talib. Wallahi, si t'es pas organisé, tu viens pas à l'heure, tu verras que même les muraja'a, t'auras du mal à les trouver. Là, les frères, ils sauront que t'es une personne qui vient pas à l'heure. Si tu viens pas à l'heure, Anna, personnellement, je ferai pas mon raja avec toi. Ça, tu vas nous faire du mal. On va te dire à 9h, tu vas venir à 10h. Enfin, là, tu vas te faire du mal vite. Allah al-musta'an. On peut citer un exemple de programme. Al-Aqida, مثلا. Les doros qu'on va faire, bi-idnillah. La personne, il ne fait pas comme on a dit Ams tout d'un coup. Là, par étapes. Dans l'aqida, maintenant, tu t'organises. Tu commences par l'um'atul i'tiqad. L'imam ibn Qudama, rahimahullah. C'est un kitab nafi', une risala mukhtasara. Et il résume l'aqida. Khasatan avec Sharh Cheikh Ibn Uthaymeen. Le kitab, il est jamil. Tumma, tu passes à un autre livre. Lakin, avec tout ce qu'on a dit. Avec tout ce qu'on a dit, la révision, si tu peux apprendre les adillah, le mieux c'est que tu apprends un matn dans ça comme on a dit. Tu n'es pas obligé de chaque livre, tu apprends par cœur. Tu apprends un matn comme on a dit dans la matière de l'aqida, il te servira pour tout et tout. Enfin, tu commences le ma'a et en même temps tu essaies d'apprendre un matn. Petit à petit. Al-wastiya maintenant. Tu as fini le kitab tu le révises. Khalas, tu as compris, tu as pris tes notes. Tu passes au deuxième kitab. Al-Qawa'id al-Mutla. De l'imam al-Uzaymin, rahimahullah. Même ce chay. Les notes, tu viens à l'heure. T'es motivé, t'es sérieux. Troisième kitab, al-Wasatiyya. Al-Wasatiyya. Le matin. Avec Cheikh Salih al-Fawzan, il est mukhtasar. Tayyib. Tumma, après al-Wasatiyya, maintenant al-Tahawiyya. كذلك avec شرح الشيخ صالح الفوزان طيب الى مختصر ثم après tout ça التدموريه او التقريب او قبل ذلك الحمويه او التلخيص ثم après الحمويه التدموريه او التقريب ثم après tout ça شرح التحاويه لابن ابي العز رحمه الله tu vas voir que à la fin باذن الله si tu organises avec tout ce qu'on a dit باذن الله tu arrives à la fin tu es à la khair. Tu vas être motivé. Cette année que tu as fait dans l'aqida, tu vas voir que tu as profité. Tu vas voir les fruits avec tes yeux. Tu vas voir que ton cœur il va se reposer et tu vas être motivé pour la suite. Amma, tu arrives à la fin et tu n'as pas compris grand chose. Comme on l'a dit, c'est une cause de daïq et que tu lâches tout. Wal'iyadu billah. Fal'inaya, al'inaya bi hadhi ni'ma. Cette ni'ma de talab al-ilm, elle a besoin d'être préservée. Cette ni'ma, si tu la préserves pas, qad tazoul. Oh, al-iyadu billah. On finit هذه الكلمة avec des nasaïh عامة في طلب العلم. La première نصيحة أن طالب العلم il doit avoir une himma عالية. طالب العلم il doit mettre la barre haute, il doit avoir des objectifs, des ambitions. Bi'idnillah, son but c'est de devenir un alim. Son but c'est de faire profiter son œuf, faire profiter les autres. Son but c'est de faire le jihad li'a'da'illah bil'ilm. Il répond au shubuhat des kuffar, il répond au shubuhat de Ahlul Bida. Il défend al-Rasul, il défend Sunnat al-Rasul, il défend al-Qur'an al-Karim. Hakada, il met la barre haute. Amma un talib ilm, qui a une petite himma. Moi, je talib ilm, je veux apprendre l'arba'in nawiyah, je fais au sul talat et c'est tout. Akhi, tu vas pas aller loin. Ça c'est le début. Là, mets la barre haute. Asa Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite, t'avances. وقال عز وجل وما كان عطاء ربك محظورا وما كان عطاء ربك محظورا العطاء c'est ce que Allah il donne. هذا c'est pas محظور, c'est pas limité vers fulan ou vers fulan. Allah il donne à qui il veut. Ne crois pas que tu n'y arriveras pas. Alors, ne crois pas que là un tas t'es simplement un petit talib et tu n'arriveras jamais à être un savant. Là, وما كان عطاء ربك محظورا. Fais des efforts et العلم c'est من فضل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Allah il peut faire de toi un savant, il fait ce qu'il veut. Est-ce que si on se pose la question hein, Allah est-ce qu'il est capable de faire de fulan un savant? لا شك ولا ريب إن الله على كل شيء قدير فعلو الهمة. Sois pas d'un iman derrière les autres, d'un iman tu te rabaisses. Là, non, j'y arrive pas. Non, tawakkal ala Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il donne à qui il veut. Hada, c'est mohim. Ulu al-himma. C'est que tu as des ambitions, que tu as des objectifs élevés. Al-imam al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, il raconte une histoire d'un talib à son époque. Au début, fil haqiqa, il n'avait pas une himma aliya. Fasma. Qala al-Khatib, rahimahullah. Ou il raconte, le Cheikh Salih Ali Cheikh Hafidahullah, il nous cite cette histoire, قال أن أحدا أو أحد طلبة الحديث أرام طلبة ورغب فيه وحضر عند الأشياخ وجلس مجالسهم ثم لما مر عليه الزمن رأى أنه لم يستفيد شيئا. شو طالب؟ Il a voulu apprendre l'ilm. Enfin, il s'est assis avec les savants. Il a voulu apprendre la science du hadith. Quelques années, il a vu qu'il n'a rien appris. Enfin, là, la manhadiyya n'était pas correcte. Lakin, regarde, ulu al-himma. Toi, tu dois savoir, tu vas faire des erreurs. Tu es un être humain. Lakin, si tu as des objectifs élevés, et tu as un husnud van billah, ou tu fais une erreur, tu te corriges. Ahiyanan, on voit des frères, ils font une erreur, on dirait c'est la fin. Ah, t'as fait une erreur, qadar Allah. Tu reconnais cette erreur. Bi'idnillah, tu la refais plus et t'avances. Amma, si tu corriges une erreur avec une erreur, ça va être quoi le résultat? T'as fait une erreur. Et Allah, tu délaisses tout. Est-ce que t'as arrangé les choses? Ah, t'as fait que rajouter du mal sur du mal. Dès qu'on fait des erreurs, nous comprends l'erreur, c'est mohim, comme ça tu la refais plus. Et bi'idnillah, avance. Avance, c'est un dars pour toi. Ce talib, قال إنني لا يناسبني هذا العلم وترك العلم. انظر l'erreur qu'il a fait, ça impliquait qu'il a voulu délaisser l'ilm. Shaitan il lui a fait penser que ce ilm c'est pas pour lui. لكن قال فلما كان ذات مرة أو قال فلما كان ذات يوم مر على صخرة يقطر عليها ماء. Marra, ça c'est min tawfiq Allah. Il est passé vers un rocher et ce rocher, il y a des gouttes d'eau. Il y a des gouttes d'eau qui tombaient sur ce rocher. Al-ans, min rahmatillah, ce qu'il a vu, ça va être une ibra pour lui. Et fil haqiqa intafa'a jiddan. Qala wa qad athara dhalika al-ma'a 'ala tilka as-sakhra. فحفر فيها حفرة فتوقف متأملا معتبرا ومتدبرا فقال هذا الماء على لطافته أثر في هذه الصخرة على قساوتها فليس قلبي وعقلي أقسى من الصخر. الآن سيتان درس بولي سيتان درس الله لا وفق إلى ميديتي إسدي Cette eau, ces gouttes d'eau, jour après jour, sur ce rocher, ça a creusé le rocher. T'as l'eau, à force de couler ou de passer, ça creuse. Hatta sur un rocher. Fahoua, il s'est dit, Anna, mon cœur, il n'est pas plus dur que ce rocher. Et il a compris que le ilm, c'était comme l'eau. petit à petit, et il va réussir. Ça a été la cause, il est revenu. Al-Khatib, il nous explique que c'est devenu un savant. C'est devenu un savant dans ce bab. Allah il l'a offert. Ça te montre, Ayyuha Talib, des objectifs, et petit à petit, tu arriveras, bi'idnillah. Foulan, il a réussi. Pourquoi tu ne réussirais pas, Alta? Foulan, c'est un être humain comme toi. T'es un être humain. Tu manges, il mange. Tu vas aux toilettes, il va aux toilettes. Neuf séché. Sauf que nous, ce qui nous fait du mal, c'est les coupures. Tu crois que Cheikh Ibn Uthaymeen, il est devenu comme ça, comme on l'a expliqué hier, faqih l'umma? Il y a 50 ans d'ilm derrière. Je crois que Cheikh Al-Albani s'est devenu Mohadith Al-Asr en une semaine. Il y a 60 ans d'efforts. Anta, commence maintenant. 60 ans d'efforts et tu verras le résultat. Tu verras. 60 ans d'ilm, c'est pas rien. Lakin, nous, 6 mois, 1 an, 2 ans, on fait l'erreur à Hiyanan, Isti'djal al-Thamara. Ça, c'est une erreur. Alors, on veut les fruits directement. Non. Cheikh Yahya Hamidallah, les doros que tu entends tous les jours, toute la blême, tu crois que c'est Hakada, il s'est réveillé hier et il a commencé à donner des doros. 17 ans avec Cheikh Mokoumil. 10 ans l'âne que Cheikh Mokoumil est mort. Compte, ça fait déjà 27 ans fil l'ilm. Presque 30 ans. Alors, tu ressens les fruits en temps. Hakada talib. Hakada talib. La tastadjil al thamara. Ça va venir. Les fruits, bi'idnillah, ils vont venir si t'es mokhli. Lakin, laisse le temps. Fais des efforts en ta baisse l'âne. Fais des efforts. Kadalik min al-nasa'ih. Al-amal bil-ilm. Et ça, c'est mohim. Al-amal bil-ilm. C'est que tout ce ilm, nous, qu'on explique, la méthodologie, l'importance du ilm, l'importance de la mémorisation, c'est pas faqat mit l'ulum al-dunya. Il a des connaissances, il a un diplôme, il n'en parle plus. Là. لا نحن علم سدو دين إن هذا العلم أو إن هذا الأمر إن هذا العلم دين كما قال ابن سيرين فأنت تدو أبليكي والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى il nous montre dans ce verset dans cette sourate أن les gens ils sont en perdition sauf ceux qui ont la foi qui est basée sur l'ilm et ceux qui appliquent ce ilm. Al-amal. Dès qu'on apprend une chose, on l'applique. On apprend ce fait de salat, on fait salat comme on a appris. On a appris l'aqidah, on applique. Hada, c'est muhim. Qala l'imam Ahmed ibn Hanbal, imam Ahl al-Sunnah, rahimahullah, qala, ma katabtu hadithan, illa waqad amiltu bih. Chouf, a'immat al-salaf. Al-imam Ahmed, il nous explique. Il n'a pas écrit un hadith sans qu'il l'ait appliqué. Et l'imam Ahmed, ta'lamoun combien de hadiths il a écrit. Bal yadkurun annahu kana yahfad alf hadith. Ce qu'on appelle aujourd'hui 1 million. 1 million de hadiths yahfad. Le sahih est daif. Musnad Ahmed, son musnad, des milliers de hadiths. Des milliers de hadiths. Fait tout ça, huwa, il apprend, il connaît un hadith, il l'écrit, il l'applique. Maintenant, il sait que le but, l'imam Ahmed, il sait que le but, c'est d'appliquer. Amma, je connais, et j'applique pas. Qala alayhi sallam, al-Qur'an, hujjatun lak ou alayk. Ça devient contre toi. Là, le but, c'est pas beaucoup, là. Le but, c'est connaître, appliquer et appeler. Inna l'insan la fi khusr, illa ladina amanu, les connaissances. La foi, l'aqidah. Inna ladina amanu wa amilu s-salihat. Il applique. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة سساء الدين et la personne il fait attention كذلك طالب العلم مناسبة on cite هذا أن طالب العلم fait attention كذلك حماس البداية ça fait du mal. Au début, dès que tu rentres dans cet océan العلم, t'es motivé. C'est comme un océan. Tu rentres, au départ, t'es motivé, t'as de la force. Tu vas nager 10 mètres, 20 mètres facilement. Lakin, fais attention, garde tes forces. Tu rentres, hakada. Badanda, s'il rentre dans l'ilm au début, pratiquement, il ne dort plus. Tu vas te fatiguer. C'est pas hakada. Il a dit doros, il veut apprendre tout d'un coup. Là, c'est pas hakada. Ce hamas, ce force, essaye de les restreindre dans ce que tu as besoin. Laisse pas hakada. Al-Hamas, al-Bidaya, ça fait du mal. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, walakin, liyahdar al-Nashat, Nashat al-Bad, Nashat, c'est le hamas, la motivation que tu as au départ. Fais attention. Qala, fa inna nashat al-bad, ibara. Ou, qala, ou bimanzila. Qala, fa inna nashat al-bad, bimanzila t-safar. C'est comme le voyage. Vous avez remarqué que dès que tu voyages, grâce à ta le voyage, au début, tu es motivé. Tu as la force de l'akhira. Tu arrives avec les jours, tu commences à te fatiguer. Si tu as fait l'erreur de gaspiller tes provisions maintenant au départ, il est motivé, il boit tout, il mange tout, il ne fait que parler, il est akhira, tu vas le trouver, il n'arrivera pas à terminer. Hakada talab al-ilm. Cheikh Ibn Taymiyyah, il donne l'exemple, c'est un voyage. Prends des provisions et doucement, doucement. Maintenant, prends l'exemple. Badanas maintenant. Au départ, il est motivé, il ne dort pas beaucoup. Taïb, n'oublie pas que la route elle est longue. Talab ilm, ce n'est pas deux jours. Tu le trouves au départ, ni sieste. Il dort presque pas la nuit. Là, il faut que je révise, il faut qu'il y ait. Et akhi, donne du haqq à ton corps. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hadith Salman, ma'rouf. Inna jasadaka alayka haqqa. Quand tu le trouves au départ, maintenant, il ne veut plus dormir, il ne veut plus se reposer. Ya akhi, repose-toi, fais une sieste. Là, là, là, je vais kada kada. Tu le trouves une semaine, deux semaines, tu ne le vois plus, il ne fait que dormir. Les mains là, les années, il n'a plus de force. Amma, attends, il est sérieux. Il concentre ses forces. Maintenant, il sait qu'il a de la force, alhamdoulilah. Lakin là, je me repose. Tu vas le trouver avec le temps, il tient. Al-hadar, al-hadar, min hamas al-bidaya. Qal Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah. فإنه به أو قبل هذا نعم بمنزلة السفر لأن بعض الناس أول ما يبدأ يرى نفسه نشيطا فيريد أن يلتهم العلوم جميعا شو بنا تمين يديو دي بار يدي دي بيرسون يغون في هذا العلم يسوك لهذا الموتيفاسيون يفو تو بخون دانكو تو لو تروف ان درس في العقيدة ان درس في التوحيد ان درس في اللغة ان درس في الأصول ان درس في الفقه ان درس في التفسير خلاص يفو تو بخون ان جور Il n'y arrivera pas. On a dit l'ilm c'est qalil qalil. Prends un dars, deux dars, kafa. N'oublie pas que tu as des révisions. N'oublie pas que ça. Maintenant, celui qui prend sept dars, comment il va faire pour les réviser? Comment tu vas faire cette révision? Tu tombes malade, tu fais quoi? Tu tombes malade, tu as sept cours à rattraper. Tu n'y arriveras pas. Amma un dars, deux dars, alhamdoulilah. Qal Cheikh Ibn Taymiyyah. فإنه ينقص على الورع لأنه كبر اللقمة ومن كبر اللقمة فلا بد أن يغص أن يغص يستوف شو بنا تامين يدي سطالب Il a pris trop d'un coup. C'est comme une personne, il mange, il prend une trop grosse bouchée. Là, à bout, il va s'étouffer. Je ne peux pas tout manger d'un coup. Petit à petit. Si tu manges un tas, murattab, petit à petit, tu vas chbaa. Bi'idnillah, tu auras plus faim et tu auras des forces. Amma, tout d'un coup, tu vas t'étouffer. Là, à bout, un yaros. عليه رحمة الله راجع شرح الحلية كذلك لدغني نصيحة ونقف هنا الصبر والثبات أن هذا العلم تابزوان دو الصبر ça sera pas tous les jours facile ça sera pas tous les jours facile des fois t'oublies des fois t'as un problème des fois Allah t'éprouve avec une maladie des fois des fitan والعياذ بالله صلى الله عليه وسلم فلا بد تصبر comme on a dit طلب العلم c'est pas un jour deux jours لا Si tu as étudié la biographie des savants, c'est des années. Et bout, ce chemin, ça ne sera pas facile. Yubtala al-mar ala qadra dini, alayhi sallam. Ashadu al-naz, mana al-anbiya, thumma al-amthal, fal-amthal. Tu seras éprouvé. La bout tasbir, wa thabat. Tu t'écartes de fitan. Tu t'écartes qil wa qal, un bon comportement. Tu veux du bien pour les autres. Une personne a fait une erreur, nasiha. Une personne a fait un khata, tu le bayin. Chaque chose a sa place. Chaque chose à sa place, et bien, idnillah, t'arriveras. Al-thabat, al-thabat. Al-ilm, c'est pas hakata, t'arriveras pas en un jour, abadan. T'arriveras pas en un an, deux ans, abadan. Faut du temps. Faut du temps. Ce temps, s'il est organisé avec tout ce qu'on a cité, bien, idnillah, la personne, il sera à la khayr. Tout ce qu'on a dit, Allah, c'est lui qui te waffaq. Ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a. Ad-du'a. Wa qala rabbukum, ud'uni astajib lakum. Wa'adun min Allah. Wallah, la yukhliful mi'ad. Ça c'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il manque jamais sa promesse. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Fa demande à Allah. Demande à Allah qu'il te facilite tes durus, qu'il te facilite l'apprentissage du Coran, qu'il te facilite à comprendre. Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, un verset, il ne comprenait pas, il lève ses mains, il fait le dua. Ya Rab, Ya Rab. Hatta il dit, je faisais le dua. Dès qu'il a fini le dua, khalas, il a compris le verset. Min Allah. Al-Fath, c'est min Allah. T'as du mal. Fais deux rak'at, khassatan fil layl, et demande à Allah. Ya Rab, facilite-moi. Ou t'arrives pas à tenir maintenant. Rien c'est dur, le dors t'arrive plus. Fais deux rak'at et demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande à Allah qu'il te facilite. Une semaine, deux semaines, tu réfléchis, t'as pas fait de dua une fois pour l'ilm. At-tawfiq, c'est min Allah. Allah, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a facilité, c'est lui qui te donne. Demande-lui. Hadith Abi Huraira, an Allah yanzil. في آخر ثلث الليل يقول عز وجل من يدعوني فأستجيب له qui c'est qui me demande je lui donne anta si tu fais partie de ceux qui se demandent à ce moment ya rab donne moi l'ilm ya rab fais moi comprendre Allah il te donne فالدعاء الدعاء العناية بالدعاء c'est Allah qui facilite tout ce qu'on a dit نحن الآن c'est des causes on fait des efforts bien sûr et celui qui facilite c'est Allah الموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. On cite les références qu'on a staffet fait à Bab et celui kadhalik qui veut approfondir. C'est Mohim, Adam. C'est Mohim, là je vous conseille. C'est pas on a fait ce kalima, khalas. Là, en tal an, il y a des livres qui ont été écrits sur ce sujet. D'ailleurs, t'es avec ces livres. 10 minutes par jour, un quart d'heure, et tu lis des livres fait talab al-ilm. Tu vas voir que tu auras toujours des fawa'id. Des fawa'id. Fa, min ahem, al-kutub, kitab jami' bayan al-ilm, wa fadlih, l'imam, Ibn Abd al-Barr, rahimahullah. Ça c'est un kitab nafi' jiddan. Wa min fadlillah subhanahu wa ta'ala alayna, on le lit tous les soirs avec Cheikhuna Yahya hafidahullah. Jami' bayan al-ilm ibn Abd al-Barr. Ça asli hada al-bab fi al-ilm. Kadhalik al-faqih wal-mutafaqih lil-khatib rahimahullah al-Baghdadi. Kadhalik al-jami' li akhlaq ar-rawi wa adab as-sami'. Kadhalik lil-khatib. Al-khatib, vous allez voir, il a une inaya jiddan bi hada. العلم وطلب العلم الى يكتب plusieurs livres منها on a dit الجامع لاخلاق الراوي واداب السامع سالم il t'explique le comportement الى اخره في العلم كذلك الرحله في طلب الحديث للخطيب الرحله في طلب الحديث سالم il t'explique il te cite depuis l'époque des prophètes des compagnons ceux qui se sont déplacés pour العلم الرحله voyager pour طلب العلم c'est مهم هذا. Et tu lis les épreuves qu'ils ont eues et le niveau qu'ils ont atteint, rahimahumullah. Kadhalik, un kitab azim, iqtida al-ilm al-amal, l'il-khatib, kadhalik al-Baghdad. C'est un livre, une risala qu'il a écrit, il te montre que le ilm, ça implique l'amal. Iqtida al-ilm al-amal. T'apprends, c'est pour appliquer. Il te montre l'importance, il te cite des hadiths et des athars fi hadha al-bab. Khatatan la risala, elle a été haqqaq par محدث العصر الشيخ الألباني رحمه الله كذلك كتاب الإمام الشوكاني أدب الطلب حتى هذا بنعمة الله عز وجل ولا يتجي بك الشيخ حفظه الله كذلك كتاب تذكرة السامع لابن جماعة وبعضهم يقولون جماعة تذكرة السامع سالف إلى يعني سطان ذو العلم يكون مطلب العلم إلى آخر تحقيق الأخ الشيخ أبي عمرو الحجوري حفظه الله كتاب حلية طلب العلم مع شرحها للشيخ العثيمين حلية طلب العلم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله كتاب نافع جدا كذلك كتاب العلم للشيخ بن عثيمين كتاب العلم للشيخ بن عثيمين فكتاب نافع في هذا الباب ونسيت كذلك رسائل الشيخ صالح آل الشيخ Il a des rassa'il kathira, al-manhajiyya, fi talab al-ilm, il a akhri. Les gens jma'a. Cheikh Saleh, hafidhahullah, il a une inaya bihada jitten. Waffaqahullah li kulli khayr. Kadhalik, kitab akhina, mwassil, kitab mwassil al-tullab. C'est un kitab nafi' jitten. Li akhina al-sheikh Sa'id bin Da'as, alayhi rahmatullah. C'est un kitab nafi'. Ta'lamouna anna l'akh Sa'id, il a une inaya jitten bil-ilm. Il a écrit ce kitab, Mouassil al-Tullab. Il te montre ce kitab, toi tu es un débutant, comment arriver à devenir un savant bi'idhnillah. Il te montre la route. Et nous, on a stafed min hadha al-kitab kathira. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yarhamah wa an yaqtul man qatalah. Subhanak Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Hayyakum Allah. Demain on commence sifat salah.